الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، وصلنا كلام البربهاري رحمه الله في الشفاعة، إيمان بالشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. Il faut avoir foi dans l'intercession, شفاعة, du messager d'Allah pour les coupables de péché le jour de la résurrection. Ceux se trouvant sur le pont Sirat, pour ainsi les faire sortir du feu de la Jahannam. Il y a l'intercession pour chaque prophète, Nabi, et également pour les véridiques, Sadiqin, les martyrs, Shuhada et les plus sincères, Salihin. Après cela, Allah accordera sa grande grâce à qui il veut, il sortira du feu, An-Nar, ceux qui auront été brûlés et réduits au charbon de bois. Charbon de bois. ايه الفحم، تعرف الفحم، الفحم شو شربه. قال الشيخ صالح الفوزان سلمه الله في الشرح، قال: من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة بالشروط التي ذكرها الله جل وعلا. Donc parmi les fondements أهل السنة والجماعة où ils sont unanimes dessus, le fait d'avoir la ferme conviction, la ferme croyance envers l'intercession, al-shafa'a, bi-shurut allati dhakaraha Allah jalla wa ala, à travers les conditions qu'Allah il a citées. An takuna bi-idhnih, que ce soit avec son autorisation, qu'Allah il permette cette intercession. Wa an yakuna al-mashfu'u fihi min ahli al-iman. Et mashfu'u fihi, c'est celui qui intercède ou celui qui, c'est pour qui on intercède? Celui qui profite de l'intercession. Mais je fais fille. Min ahli al-iman. Faut que ce soit quelqu'un. Faut que ce soit mu'min. Amma in kana al-mashfu'u fihi min ahli al-kufr, fa innaha la tuqbalu fihi al-shafa'atu. Il y a une erreur là. Je ne sais pas si vous avez la même chose. Shafa'ati. La tuqbalu fihi al-shafa'atu. Donc si celui qui bénéficie de l'intercession, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un muwahhid, ce n'est pas quelqu'un qui s'est éloigné du kufr, du shirk, etc. C'est un kafir ou un mushrik. L'intercession ne sera pas valide, ne sera pas acceptée en sa faveur. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Allah dit dans le Coran, surat al-Muddathir, surat 74, verset 48, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Notre verset, surat Ghafir, surat numéro 40, verset numéro 18, à la fin du verset, les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Hamim ou le shafi'in yuta'a. Fal kafiru laysa fihi shafa'atun abadan. Le mécréant, il n'aura pas d'intercession en sa faveur. Jamais. Wa amma al-mu'minu fa inna shafa'ata thabitatun fi haqqi. Idha adina Allah jalla wa ala. Le mu'min, le croyant, صح التعبير. Shafa'a, l'intercession, elle est affirmée à son sujet. Hein? Il va, on va intercéder en sa faveur à son sujet si Allah il l'autorise ou lorsqu'Allah il l'autorisera. Wa a'zamu ash-shafa'a wa sayyidu ash-shafa'a huwa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand des intercesseurs et le meilleur des intercesseurs, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falahu shafa'atun khassa bihi wa hunaka shafa'atun yashtariku fiha huwa wa ghayruhu. Donc, il a des intercessions qui sont spécifiques à lui, et il y a des intercessions qui sont ouvertes, yani dans le sens qu'il n'y a pas que lui qui va intercéder. Yashfa' al-mala'ika, wa yashfa' al-nabiyyun, wa yashfa' al-shuhada, wa yashfa' ghayruhum. Il y a plusieurs catégories de personnes qui vont intercéder. قَوْلُهُ وَالْإِيمَانُ بِشَفَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُذْنِبِينَ الْخَاطِئِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى الصِّرَاطِ. Pour prendre l'intercession Shafa'a du messager d'Allah pour les coupables de péché le jour de la résurrection, se trouvant sur le pont Sirat. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يشفع يوم القيامة. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est la personne la plus valorisée, c'est le meilleur intercesseur le jour de la résurrection. بل إنه يشفع في أهل الموقف كلهم. Il va intercéder en faveur de toutes les أهل الموقف, c'est toutes les personnes qui seront présentes sur cette assemblée. أن الله يريحهم من الموقف ويحاسبهم. يريحهم, ça veut dire que Allah il leur accorde comme un souffle, yuhasibuhum, c'est-à-dire que ils passent à l'étape du jugement, parce qu'il y a une période d'attente qui est longue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède juste pour que le jugement il commence, لأنه يطول عليهم الموقف, parce que l'attente elle va être très longue. ومع الضنك الشديد, مع الضنك الشديد, avec une énorme gêne. الضنك الشديد, الضنك c'est la gêne, haraj. معروف ضنك, لكن قد يصح ضنك, الله اعلم, جو سي با. كم دون سورة طه, فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا, الله اعلم اسكو تو بيدير ضنك. على كل حال دي مع الضنك الشديد والحر الشديد والعطش الشديد والخوف الشديد. يعني لي جون يفو ات دون ان ان ايتا دو ديفيكولتي انورم. Et la chaleur, il y en a très chaud, et un état de soif, pareil, et une énorme peur. يَطُولُ عَلَيْهِمُ الْمَوْقِفُ مَوْقِفُ الْحَشَرُ. Cette attente-là, elle va être longue. فَيَتَقَدَّمُونَ إِلَى أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Donc ils vont s'avancer vers أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. نعم حَشَر عندك خَا حشر حشر حشر سي الغاسمبلمون كوم دون سورات سورات الحشر. حشر سي لو غاسمبلمون, موقف الحشر سي لي جون فو ايت غاسمبلي سور ميم بلاتفورم توس انسامبل موقف ستادير اون ايتا داتونت ايز اتونت كو لو جوجمون اي كومونس. لي جون فون با سوبورتي سا, اي فون الي فوار اولو العزم من الرسل, دونك لي ميساجي دوي دو فيرموتي. وقلناهم اولهم نوح عليه السلام, الثاني ابراهيم, ابراهيم ابن ازر, لو ترويزيام سي موسى بن عمران, الكاتريام سي عيسى بن مريم, السانكيام سي محمد بن عبد الله عليهم الصلاة والسلام. سي سا لي سانك اولو العزم من الرسل. اي اون ادي سون سيتي دو باساج دون القران, دون لي فيرسي سو كي فو لي نوتي. دون دو باساج دون القران اي سون نومي, اي سون نومي اون ديتاي دون سورة الاحزاب فيرسي 7, سورة 33 فيرسي 7. واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa et de Isa, fils de Maryam. Donc ça c'est le premier verset, surat al-Hizab. Deuxième verset, surat al-Shura, surat 42, verset 13. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Là, vous allez légiférer en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. C'est les deux seuls passages dans le Coran où Ulul Azm, ils sont évoqués ensemble. Comme ça, ils sont nommé. Les cinq prophètes ensemble. Nommés. Sinon, dans l'Ahqaf, Allah il les a cités sans citer leur nom. Il a dit « Fasbir kama sabara Ulul Azm min al-Rusul ». Patiente comme ont patienté les prophètes doués de fermeté. Si, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Les cinq qui sont cités ensemble. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في الواسطية. Sinon, عدد من أهل العلم cite qu'il y a deux passages dans le Coran où ils sont cités les deux ensemble, les cinq ensemble. الفائدة اللغوية الخاطئون. Vous avez vu le Barbahari dit والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين. Il y a une énorme différence entre le khati et le mukhti. Le mukhti, c'est quelqu'un qui fait une erreur sans que ce soit volontaire. Amma le khati, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal volontairement. C'est pour ça Allah dit dans le Coran فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. Il y a pour ici, pour lui ici, aujourd'hui, point d'ami chaleureux pour le protéger, ni d'autres nourritures que du pu, que seuls les fautifs mangeront. Al-Khati', c'est quelqu'un qui a fait une erreur volontairement, dans le sens, c'est un pécheur. Le khati huwa al mudhnib. C'est pour ça ici le Barbahari dit bi shafa'ati rasulillah lil mudhnibin al khati'in. D'accord ? Al mudhnibin al khati'in, c'est la même chose. واضح ? Khati wa mukhti, c'est deux choses différentes. On est où ? يطلبون منهم أن يدعوا الله أن يريحهم من الموقف. Donc ils vont aller voir Ulul Azm min al-Rusul. Hein? Ils vont commencer. Non? Yad'u li'annahu jama'. Yad'u. Ils vont demander. Ils vont demander au prophète. Femme? Alif yani après le waw. Ouais, tu peux mettre Alif. Avec Hajj Okhra. Femme tout. Donc ils vont aller voir Ulul Azmi min al-Rusul, c'est venu dans le hadith qu'ils vont aller voir Adam avant ça. Hein? Avant Ulul Azmi min al-Rusul, ils vont aller voir d'abord Adam alayhi salam. Ils vont lui dire Anta Abul Bashariya, etc. Fa'shfa' lana, yani intercède en notre faveur, et il va les envoyer vers Nuh. Nuh, il va envoyer vers Ibrahim, etc. Vous êtes appelé Ulul Azmi parce que c'est ceux qui ont été les plus éprouvés. T'as fait ta mère. Allah, شوف أولي العزم من الرسل جمع يطلبون منهم أن يدعو أولي العزم والله التسمية جو سي با ما نش عارف اسكو tu peux mettre ألف إلى بغيت أن يريحهم من الموقف donc il va leur demander ils vont demander aux différents messagers d'intercéder en leur faveur إما إلى الجنة وإما إلى النار ça veut dire en fait les gens ils vont être dans un temps d'attente tellement long qu'ils vont préférer chacun prendre yani, sa place plutôt que d'attendre indéfiniment dans une chaleur pareille, dans une crainte pareille, dans une peur pareille, etc. قال فيأتون إلى آدم فيعتذر. Voilà, Cheikh ici l'a cité. Ils vont aller voir Adam alayhi salam يعتذر. Ça veut dire il va présenter ses excuses. Hein, il peut pas. ويأتون إلى نوح فيعتذر. ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر. ويأتون إلى موسى فيعتذر. ويأتون إلى عيسى فيعتذر. Ils vont aller voir ces prophètes-là à la chaîne, hein? Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa. Chacun il va présenter ses excuses. Il ne peut pas, intercéder. Il peut pas, il peut rien faire. وَيَأْتُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَنَا لَهَا. Donc ils vont aller voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Il va dire c'est pour moi. ثُمَّ يَأْتِي وَيَخِرُّ سَاجِدًا تَحْتَ الْعَرْشِ. Donc il va venir, il va tomber en prosternation, hein? Il va se prosterner sous le trône. لِيَنَّهُ لَا يَشْفَعُ لِيَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Car il ne va pas intercéder en faveur de quelqu'un si ce n'est avec l'autorisation d'Allah. فَهُوَ يَخِرُّ سَاجِدًا وَيَدْعُ رَبَّهُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدْ يَرْفَعْ رَأْسَكْ وَسَلْ تُعْطَى وَشْفَعْ تُشَفَّعْ فَيَأْذَنُ اللَّهُ لَهُ بِالشَّفَاعَةِ فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْمَحْشَرِ. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas intercéder en une personne quelconque sans l'autorisation d'Allah. Donc il va se prosterner devant le trône et il va invoquer Allah jusqu'à ce qu'on lui dise: Oh Muhammad, irfa' ra'sak, lève ta tête, wa sal tu'ta, demande. Sal c'est is'al, hein? Tu peux dire is'al, tu peux dire sal, comme dans le Coran. Sal bani Israël, interroge ou demande à bani Israël. Tu'ta, on va te donner, wa shfa' tu shfa', et intercède, ton intercession elle va être acceptée. Fayadanu Allah lahu bishfa', Allah va lui autoriser d'intercéder. Fayashfa'u fi ahli al-mahshar, il va intercéder en faveur des gens en général. Vous avez vu que le cheikh il a cité ici deux shurut shfa'a. Deux shurut. Tay, n'am. Il y a trois shurut عند اهل العلم, لكن deux shurut, c'est la même chose. C'est comme ceux qui décomposent مثلا التوحيد en deux catégories. Il y en a qui disent il y a tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma wa-sifat, ils rentrent dedans al-rububiyya. Il y en a qui décomposent en trois. Là c'est pareil. Yani le cheikh ici il dit quoi dans la page précédente? نعم ان يكون بإذنه وان يكون المشفوع فيه من اهل الايمان. Ça veut dire, il faut que ce soit avec l'autorisation d'Allah. Il faut, dans d'autres années, dans d'autres écrits, comme il a cité Mohamed ibn Abdul Wahhab dans Kashf Shubuhat, il faut rida. Allah, il est satisfait de celui qui intercède et de celui envers qui il va intercéder. D'accord? Ça revient à une même chose. Il n'est pas que vous dites qu'il y a une divergence fait Shafa'a ou la Kada. Il n'y a pas de divergence, c'est juste Ta'bir qui change. L'expression qui change. D'accord? Donc, on revient. Donc, cette intercession, c'est ce qu'on appelle Shafa'a al-Uzma. Hein? L'intercession suprême. C'est pour que les gens y passent de l'attente et du rassemblement au jugement et au compte. Et voici l'intercession suprême que Allah il a accordé, il a favorisé son prophète par rapport à toutes les créatures. Hein? Il a ce caractère ou ce mérite. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Donc, Surat al-Isra 17, verset 79. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des salats surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Al-Maqam al-Mahmoud huwa al-Shafa'at al-Uzma. Donc, al-Maqam al-Mahmoud, position de gloire, il dit c'est l'intercession suprême. Wa fi al-du'a alladhi yuqalu ba'd al-adhan, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, wa ba'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. هذه الشفاعة العظمى. Il dit, yani, c'est l'intercession suprême. Et c'est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cette place-là, لا يصلح أن تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو. Il a dit, cette place-là, elle sera donnée qu'à une seule créature. Et j'espère que c'est moi la concernée. Hadith, malgré toi, ou à la... Est-ce que tu avais trouvé, je m'en fais tard. Où est-ce que tu... J'ai cherché, il y en a plusieurs qui ont cité ça, mais à chaque fois ils disaient que c'était Barawi, ils disaient que c'était Barif et tout. J'ai demandé à chercher la Bible, mais pareil, elle est Barif. Barif, hein? Ouais. وكذلك يشفع في أهل الكبائر من الأمة. Et dans Tabari, t'as regardé? Parce qu'il avait cité Ibn Taymiyyah qu'il a pris ça de Tabari, non? Non, on a quoi, Barawi là? Barawi, comment? Eh, lève l'ordinateur, Malgitch. Non. Parce qu'il y a une trace comme quoi il dit que. L'ayahadi, hein? Ouais, comme quoi Allah il va faire asseoir le prophète sallam sur l'arche, sur le trône. Avec lui. Et c'est des paroles de Cheikh l'Islam dans Majmou' al-Fatawa. Mais, je ne sais pas, demander, c'est pas une authentique. Allah Ta'ala. Non? Non, c'est bon, non, je pensais que tu parlais du hadith là qui était d'arrive. Là. Le fait qu'il va le faire asseoir sur le trône avec lui. Wa kadhalika yashfa'u fi ahli al-kaba'ir min al-umma. Également. Il va, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder en faveur des gens qui ont fait des grands péchés de la communauté. Yashfa'u fihim, sallallahu alayhi wa sallam. Il va intercéder en leur faveur. Imma an la yadkhulu an-nar wa imma an yukhraju minha idha dakhalu. Soit pour pas qu'ils rentrent en enfer, hein, soit qu'ils sortent de l'enfer après y avoir pénétré. Yashfa'u fihim, sallallahu alayhi wa sallam. Il va intercéder en leur faveur. وهذه ليست خاصة به. Il dit par exemple cette intercession là elle n'est pas spécifique à lui. فهو يشفع وجميع الأنبياء يشفعون. Lui va intercéder et tous les prophètes ils vont intercéder. والأولياء يشفعون والأفراط وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون في أهل الكبائر. Donc الأولياء les gens aînés de droiture, etc. Yashfa'un, ils vont intercéder. Ou l'Afrat. L'Afrat, le Cheikh dit, c'est ceux qui sont morts en bas âge. Les enfants aînés qui sont morts en bas âge. Yashfa'un, ils vont intercéder en faveur des gens qui ont commis des grands péchés. Khilafan lil Jahmiyyati wal Mu'tazilati wal Khawarij. Contrairement. Ça va si les enfants des kuffars aussi rentrent dedans. Bil qa'ida qu'on a, les enfants des kuffars, ils ne peuvent pas intercéder en faveur de leurs parents. Il y en a, il faut impérativement, pour toute intercession, il faut impérativement ça, sauf Shafa' al-Uzma. Shafa' al-Uzma, c'est pour commencer le hisab et Shafa' Ali Abi Talib Mustathnat. Shafa' Ali Abi Talib, je crois pas qu'il l'a cité parce que j'ai lu Ali Moussabakhan, mais c'est une exception. Le fait qu'il va intercéder en faveur de son oncle pour alléger le châtiment. Abu Talib, Allah, il n'est pas satisfait de lui. Mais il va abaisser son châtiment parce qu'il a défendu le prophète, etc. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il rentre dans la farat, par exemple, les enfants de... Pour leurs parents, intercéder en faveur de leurs parents, c'est pas possible. Parce que Allah, il n'est pas satisfait de quelqu'un qui était mokallaf et qui n'a pas. Hamt ? C'est singulier, tu sais, ça ? Je te dirais farat, mais je suis pas sûr. Farat. Farat. Farat. Farat. La première chafa'a, c'est pour faire le jugement. Première chafa'a, c'est pour commencer le jugement. Ça, c'est une autre intercession. Hanaya, il parle des gens qui ont fait des grands péchés. Chauffe. L'Ozma. Il y a des gens qui ont fait des grands péchés. Sans jugement, ils vont rentrer au paradis. Après, ce sera les gens qui ont fait des kabir. Non, ça, c'est pendant le mawqif. Pendant l'attente. L'attente qui va durer 50 000 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer. Il va intercéder pour que le jugement commence. C'est ça le shafa'a al-uzma. Ça c'est shafa'a al-uzma. Tous les gens, il n'y a personne qui est au paradis, il n'y a personne qui est en enfer. Fihadi. Shafa'a al-uzma, c'est pour commencer al-hisab. Et les savants, ils ont dit, c'est là que il y a des gens qui seront pendant cette durée-là, que 50 000 ans où les gens ils seront terrifiés, etc. Il y a des gens qui seront en état de sérénité pendant cette durée-là. Comme tout. Lakin hana ya personne en enfer, il y a personne qui sont ceux qui doivent rentrer au paradis sans jugement ni châtiment, ils sont pas, on n'est pas encore arrivé à cette étape là. Toutes les communautés. Non. Al-umam. Toutes les personnes, min awwalihim ila akhirihim, pour que le jugement et châtiment pour que le jugement il commence. Kullu man hushir. Voilà. Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqat yawmin ma'lum. C'est ça. C'est de cette catégorie là, ils seront dans l'ombre du trône, non ? Fait khilaf, il y en a qui disent dans l'ombre. Cheikh Ibn Uthaymeen dans Riyad Salihin, il dit dans l'ombre du trône. 50 000, c'est année là ou... Pendant ce temps-là. Allahu Akbar. Naam ? Pendant ce temps-là. Pendant cette durée, hein ? Pendant cette durée, naam. Je crois dans le Wasatiyya, Cheikh Salih Fawzan. Non ? Madras Souhash ? Allahu Akbar, le Wasatiyya, ma d'accord. Khilaf, ça peut être quoi ? Il y en a qui disent Allah, il va créer une ombre. Il y en a qui disent c'est l'ombre. Nombre du trône. Mais il chafait 100%. À la kulli hal. Comme tout, chafa al-udma, c'est pour le. Chafa al-udma, le khas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khassa bihi. Il n'y a que lui qui intercède parce que tous les prophètes ils vont se retirer. Adam il va se retirer, il va dire j'ai désobéi à mon Seigneur. Ibrahim il va dire j'ai fait trois mensonges. Nuh il va dire j'ai invoqué contre mon peuple. Moussa il va dire j'ai tué un homme. Isa il ne va pas évoquer de péché. Hadith il est à la fin de Riyad Salihin. Il ne va pas évoquer de péché mais il va dire. اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. Allez chez Mohammed, c'est un serviteur qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et à venir. Et aller chez lui, il est mieux que moi. Et après, il y a qu'est-ce qu'il a cité Cheikh Hanaya. Donc il dit que هذه الشفاعات ثابته. Elles sont rapportées authentiquement, hein? Contrairement à ce que disent le Jahmiya, le Mu'tazila et le Khawarij. Qu'est-ce qu'ils disent? Le Khawarij wal Khawarij hum alladhina يخرجون على الأئمة أئمة المسلمين بالسيف. الخوارج هم ceux qui se rebellent contre l'أئمة. أئمة ici c'est le حكام. D'accord? Contre les dirigeants des musulmans. Parce que l'imam, يطلق الإمام والمراد به الإمام الأكبر. L'imam الأعظم ils disent. C'est-à-dire le gouvernant. بالسيف. Ceux qui se rebellent contre le gouvernant à travers l'épée ou à travers n'importe quoi. ويشقون عصا الطاعة. Ça veut dire ils se rebellent et ils coupent la relation d'obéissance, hein, l'obéissance, etc. Il coupe cela et il se rebelle contre lui. Wa aydan alladhina yukaffiruna al-muslima bil kaba'ir allati duna ash-shirk. Et c'est ceux qui rendent mécréant le musulman qui est auteur de grands péchés autres que le shirk. Eux ils disent c'est un kafir wa huwa khalid mukhallad fi an-nar indahum. Ha'ula hum al-khawarij. C'est ça le khawarij, c'est les principaux points qu'ils ont, les principales caractéristiques pour les reconnaître. سموا خوارج لأنهم خرجوا عن المشروع. Pourquoi on les a nommés خوارج? Parce qu'ils sont sortis sur ce qui est légiféré, ce qui est conforme. وخرجوا على ولي الأمر. Ils sont sortis sur, ils se sont rebellés contre les autorités. وشقوا عصا الطاعة. Hein? Ils ont arrêté, ils ont coupé la relation d'obéissance envers le gouvernant suprême. هؤلاء ينفون الشفاعة. Cela ils démentent. Ils disent il n'y a pas d'intercession. ويقولون من دخل النار لا يخرج منها. Ils disent celui qui rentre en enfer, خلاص il sort plus jamais. ويستدلون بقوله تعالى وما هم بخارجين من النار ils ne sortiront pas de l'enfer. نقول الشيخ دي البقرة donc سورة 2 verset 167 نقول هذه في الكفار فالكفار لا يخرجون من النار الكفار لا يخرجون من النار دي ça c'est à propos des mécréants hein? Ça c'est à propos des mécréants ils ne sortiront pas de l'enfer وأما الشفاعة المقصودة هنا فهي في أهل الإيمان من أصحاب الكبائر il dit concernant l'intercession qui est voulue ici c'est l'intercession dans des gens qui ont l'iman qui ont un minimum de iman mais qui sont auteurs de grands péchés. Cheikh Ibn Hussein Abbad dans Arba'in Nawawiya il cite que شوفوا الآيات qui viennent sur le النار Allah il dit وما هم بخارجين من النار et concernant أهل الجنة il dit وما هم بمخرجين il dit c'est quoi la différence خارجين من النار ils ne sortiront pas de l'enfer ils ne pourront pas sortir de l'enfer parce que les gens qui sont dans l'enfer ils veulent sortir d'accord en propos des kuffars il dit وما هم بمخرجين concernant les gens du paradis ils ne cherchent pas à sortir Allah il a dit وما هم بمخرجين on ne les fera pas sortir il n'y a pas hein يعني مخرج ça veut dire c'est quelqu'un qui vient qui te fait sortir voilà faire sortir أما خارجين c'est eux ils vont chercher à sortir c'est les gens de l'enfer Ils veulent chercher à sortir de l'enfer, mais ils ne peuvent pas. Amma wa ma hum bi mukhrajin, concernant Ahl al-Jannah, c'est-à-dire eux ils sont dedans, ils ne veulent pas sortir. Et Allah il informe qu'il n'y a personne qui va venir les faire sortir. Comme tout. Qal fal kuffar la yakhrujuna min an-nar. Donc Cheikh dit, ce verset-là, il est le Coran. Hein, le dalil wadih, l'istidlal, il est faux. Comme tout. Le dalil, on ne peut pas dire qu'il est faux. Il y a une ayah min al-Quran. Wajh al-istidlal batil. Pourquoi ? Parce que le verset, il concerne les kuffars. Les kuffars, d'accord. La yakhrujuna min an-nar, il n'y a pas de problème. Amma shafa'atu al-maqsouda huna, fahiya fi ahli al-iman min ashab al-kaba'ir. Des gens qui sont mu'minin, mais qui ont été auteurs de grands péchés. Wa hiya thabita. Cette shafa'a, cette intercession, elle est affirmée. Wallahu jalla wa ala yaqul, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Surat 2, Baqara, verset 255. Ayat al-Kursi. Donc il dit man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui c'est qui peut intercéder auprès de lui si ce n'est avec sa permission. Dalla 'ala annahu idha adina yashfa'u ahadun idha adina yashfa'u ahadun 'indahu. Donc ça montre que personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc si jamais il l'autorise, il pourra intercéder. D'accord? Mafhoum al-mukhalafa, je crois qu'ils appellent ça fi usul al-fiqh. وكذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سورة النجم سورة 53 verset 26 et que des anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien sinon qu'après qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et qu'il أجري. هذه فيها شرطا الشفاعة. Donc il dit ce verset là, il comporte les deux conditions de l'intercession. الأولى يأذن الله. هذا الشرط الأول. L'autorisation, la permission d'Allah, c'est la première des deux conditions. ويرضى هذا الشرط الثاني. يرضى عن المشفوع فيه. Et il accepte ou il agrée celui qui va celui qui va voilà celui qui va yani bénéficier de cette intercession wa huwa la yarda illa 'an al-mu'min amma al-kafiru fala yarda 'anhu donc Allah il n'accepte ou il n'agrée que le mu'min le muwahhid concernant le mécréant il n'est pas satisfait de cela il n'accepte pas cela fa al-mukhalifuna li ahli as-sunnah fi ash-shafa'a 'ala tarafay naqid donc ceux qui sont qui contredisent yani ahl sunna wal jamaa sur ce point-là à propos de shafa'a taraf et naqid ça veut dire deux extrêmes opposés minhum man ankara ash-shafa'a premier extrême il réprouve ash-shafa'a disent il y a pas de shafa'a il y a pas d'intercession il entre le nar il reste dans le nar wa hum al-khawarij wal mu'tazila qui sont le Khawarij et le Mu'tazila, alladhina yukaffiruna bil kaba'ir allati duna ash-shirk, qui rendent mécréant l'auteur des grands péchés duna ash-shirk. Parce que le Khawarij et le Mu'tazila, ils sont tous les deux d'accord et disent que sahib al-kabira fi an-nar Khalid Mukhallad. Le farq baynahuma fi ad-dunya. Le Khawarij, ils ont dit c'est un kafir. Et le Mu'tazila, ils ont dit il est dans un espace entre deux espaces. فمنزلة بين منزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر دكور مي في القيامة أو في الآخرة يديز يزلي أن أنفر خالد مخلد إترنالمون سان جامي أن سورتير الشيخ يدي والطرف الثاني لوبوزان يعني دو سولا من يغلو في إثبات الشفاعة ceux qui sont ceux qui exagèrent dans l'affirmation de l'intercession وهم المتصوفة والقبورية الصوفية et القبورية ceux qui adorent les tombes. Alladhina ya'tamiduna 'ala ash-shafa'a. Ceux qui ils se basent yani énormément sur l'intercession. Wa yalja'una ila al-qubur. Ils vont vers les tombes. Wa yastaghithuna bil amwat. Ils demandent de l'aide et du secours aux morts. Wa yatlubuna minhum ash-shafa'a. Ils leur demandent l'intercession. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سورة يونس سورة 10 verset 18 ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et ils disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah يعبدونهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله ils adorent pour qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah. Donc, ça c'est Tarafin. Hein? Ceux qui renient l'intercession et ceux qui utilisent l'intercession à tort et à travers. Amma al-wasat, le juste milieu, fahum ahl-sunna wal-jama'a. Lam yanfu shafa'ata mutlaqan wa lam yuthbituha mutlaqan. Ahl-sunna, ils n'ont pas renié la shafa'a, ils ont dit pas d'intercession. Et ils ne l'ont pas affirmé à l'absolu, tu peux faire intercéder qui tu veux, comme tu veux, et de la manière dont tu veux. Bal athbatuha bish-shartayn al-waridayn fi al-kitab wa-sunna. هذا حاصل البحث في الشفاعة. Ils ont affirmé ça à travers les deux conditions qui sont rapportées dans le Coran et le Sunna. Voici yani la conclusion concernant ce point-là qui est l'intercession. وقوله قول البربهاري رحمه الله المذنبين الخاطئين. Donc l'intercession elle va être en faveur des pécheurs. خاطئين وش قال؟ فوتيف. Coupable de péché. يعني تكون الشفاعة للمؤمنين المذنبين الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. Cette intercession elle est en faveur des mu'minin qui sont auteurs de zunub. Mu'dnibin, ça vient de zumb. Hein? Mais qui n'ont pas atteint la barrière ou le cap de la mécréance. Wa ala as-sirat. Sur le pont. Sur le pont. Ay wa yashfa'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lil mu'minin hala mururihim ala as-sirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va intercéder en faveur des mu'minin lorsqu'ils hala mururihim, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en train de passer sur le pont. Hein? Wa yashfa'u liman dakhala an-nar bi ikhrajihi minha idha kana min ahli at-tawhid. Et ceux qui sont rentrés en enfer, il va intercéder en leur faveur pour qu'ils sortent de l'enfer. Si c'était quelqu'un, un muwahhid, quelqu'un qui est auteur de at-tawhid. Fa yashfa'u 'ala as-sirat idha marra an-nasu 'alayh. Il va intercéder lorsque les gens vont passer. Cheikh Najmi dans son explication dit awwal marrin huwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le premier qui va passer sur le sirat, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma yaqif, il va s'arrêter de l'autre côté et les gens ils vont passer, il va dire Allahumma sallim sallim. Allah épargne. Il dit c'est ça yani l'intercession ici. Il invoque que Allah il épargne les gens qui passent. Wa huwa al-jisr al-mansub 'ala matn jahannam. C'est le pont qui est mansoub, yani qui est apposé sur l'enfer, au-dessus de l'enfer. Al-jisr, c'est le pont. Non. Jisr. Yamurru an-nasu 'ala qadri a'malihim. Les gens vont passer sur ce sirat selon leurs actions. Faminhum man yamurru kalamh al-basar. Il y en a qui vont passer comme un clin d'œil. Lamh al-basar, c'est le clin d'œil. وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب فيرسي دون سوره النحل ومنهم من يمر كالبرق هناك من passer comme l'éclair ومنهم من يمر كالريح هناك من passer comme le vent ومنهم من يمر كالفرس الجواد هناك من passer comme des chevaux de course ومنهم من يمر كركاب الإبل هناك من passer comme des passagers يعني sur des chameaux ومنهم من يعدو عدوا هناك من العدو c'est courir يعدو يعني يجري ومنهم من يمشي مشيا هناك من marcher ومنهم من يزحف زحفا كما يسمى فعل مطلق مفعول مطلق هناك من يزحف زحفا صغير va ramper ومن يخطف ويلقى في جهنم هناك من الخطف c'est saisir d'une manière très rapide هذا هو الخطف parce que sur le sirat kalalib j'ai oublié comment ils disent kalalib crochet. يلقى ويلقى في جهنم هناك من تخسزي d'une manière rapide et jeté en enfer كل الخلائق تمر على هذا الجسر toutes les créatures vont passer sur les créatures en المقصود les gens qui sont au rassemblement ils vont tous passer sur ce pont المؤمنون والكفار les مؤمنين les croyants et les mécréants voilà Il n'y a pas une partie de kuffar qui sont pas jugés. Ils vont directement. Cherche, je crois qu'ils vont parler juste après Allah. Attends, on va voir, Inch'Allah. وَلَا يَنْجِيهِمْ إِلَّا أَعْمَالُهُمْ Il n'y a que leurs actes qui vont pouvoir. Il n'y a que les actes qui vont agir, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir les sauver. قَالَ تَعَالَ وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ يعني على الصراط كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا دونك يدي سوره مريم سوره 19 verset 71 72 il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer sur le pont de l'enfer que les croyants franchiront selon leurs œuvres ici-bas les mécréants y tomberont car il s'agit là pour ton seigneur d'une sentence irrévocable ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés فلا ينجو إلا أهل التقوى وأما الكفار فإنهم يهلكون في جهنم والعياذ بالله هذا هو الصراط donc il dit ne sera sauvé que أهل التقوى les gens dotés de piété de droiture de iman de tawhid أما الكفار les mécréants يهلكون ça veut dire ils sont voués à l'enfer et c'est à ça que correspond الصراط le pont قوله ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء. Après cela, Allah accordera sa grande grâce à qui il veut. وقد يخرج الله من النار بعض المؤمنين بغير شفاعة الشافعين. Il se peut qu'Allah fasse sortir de l'enfer certains مؤمنين sans intercession d'intercesseur. بل بفضله سبحانه وتعالى par sa grâce, hein? Il y a des gens qui vont faire sortir sans intercession de quiconque. Yukhriju unasan min an-nar bi fadlihi subhanahu bi ghayri shafa'ati min ahad bal bi fadlihi jalla wa ala. Donc il va faire sortir des gens, unas, c'est-à-dire des gens du feu de par sa grâce subhanahu sans intercession de quiconque. C'est juste bi fadlihi jalla wa ala, juste par sa grâce et yani le mérite qu'il accorde à certaines de ses créatures. قوله والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما il sortira du feu النار ceux qui auront été brûlés et réduits au charbon de bois الله جل وعلا أخبر أن أهل النار المخلدون الله جل وعلا أخبر أن أهل النار المخلدين فيها نعم لا لو قال هو مخلدون بدون ألف لام أن أهل النار مخلدون فيها أها سي par rapport au شكل est-ce qu'on dit المخلدين ou المخلدون c'est pour ça que لا des fois il y a des غلط نعم لا لو قال هو وأخبر أن أهل النار مخلدون فيها أن أهل النار مبتدا ولا كيف يسميه مخلدون خبر لكن هنا أن أهل النار المخلدون لا هو خلي بالك سا بو إيه المهم أخبر أن أهل النار المخلدون فيها لا يموتون فيها ولا يحيون. Il a dit, il a informé à propos des gens qui sont voués à l'enfer et qui vont rester éternellement, qui vont pas mourir et qui vont pas y vivre. قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. سورة الأعلى سورة 87 verset 9 10 11 12 13. Rappelle-toi donc. Rappelle donc que le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera et s'en écartera. Le grand malheureux qui brûlera dans le plus grand feu où il ne mourra ni ne vivra. فالذي لا يقبل التذكير ولا يقبل الموعظة ويستمر في غيه فهذا يدخل جهنم. Celui qui n'accepte pas le rappel, il n'accepte pas l'exhortation et يستمر في غيه. الغي هو ضد الرشد. قد تبين الرشد من الغي. C'est-à-dire la perdition. Celui qui continue dans sa rébellion, dans sa perdition, il va rentrer en enfer. وَيَبْقَ فِيهَا لَا يَحْيَا حَيَاتًا مُرِيحًا وَلَا يَمُوتُ مَوْتًا مُرِيحًا. Il va ni vivre d'une manière où il va se sentir ni à l'aise, ni mourir d'une mort d'où après il va plus être châtié, il va se sentir à l'aise. C'est ça, ça veut dire ça, mourir. وَيَبْقَ فِي عَذَابًا. Il va rester dans châtiment. أما من دخلها من عصاة الموحدين فإنه يحترق ويصير فحما. Ceux qui vont rentrer parmi les pêcheurs des موحدين, des unificateurs, يحترق, il va se brûler et il va devenir فحم. Charbon. De bois. فيخرج من النار. Il va sortir de l'enfer. ويوضع في نهر يقال له نهر الحياة. On va le mettre dans une rivière qu'on appelle la rivière de la vie. فتنبت أجسامهم يعني leur corps ils vont se reconstituer فإذا تكاملت ou bien poussé فإذا تكاملت أجسامهم أذن لهم بدخول الجنة. Quand leur corps ils seront يعني complet ou intact, on leur autorisera de rentrer au paradis. Est-ce que la cité Cheikh Salah al-Sheikh à la fin de l'Umma'a عندما عز وجل يعني يقول وين يعني حرم على النار من بعد يجيبها الشيخ وقيلها هنايا سوغ مواضع السجود اما هو اما الشيخ نجمي درك نشوفوها ان شاء الله شكون الله اعلم الشيخ فوزان هو اللي يجيبها عنده مخلدين هو فهمتوا الإشكال وين هو؟ كنتي ألو لا فراز؟ شوف كي تقول الله جل وعلا أخبر أن أهل النار كل جان دو لانفير مخلدون لي جان دو لانفير فون ريستي ان انفير أما لما تقول أن أهل النار المخلدون ceux parmi eux qui vont rester en enfer. Sur l'hanaya, si c'est هكا عبد الله si c'est khabar, si c'est khabar, c'est censé être sans les flammes. هذا c'est ce que moi j'ai compris. أنت عندك مخلدين مراد نعم parce que c'est pas اسمح لي parce que c'est pas toute personne qui rentre en enfer qui est مخلد. هذا عقيدة الخوارج. Le Cheikh nous a expliqué avant que le verset qu'il a cité avant, qu'ils ont cité le Khawarij, c'est fi haqq al-kuffar. C'est pas toute personne qui rentre en enfer, huwa mukhallad fi an-nar. Ta'ifa, anna ahl an-nar al-mukhalladina fiha, ceux qui vont rentrer pour y rester éternellement, la yamutuna fiha wa la yahyun. Bidalil, anna ceux qui vont usat al-muwahhidin, ils vont se transformer بعد en charbon de kimagal. Ils vont mourir. Après, on va les mettre dans Nahr al-Hayat et ils vont revivre. Comme tout. Il y a une nuance. Il y a une nuance, oui. C'est quoi le Mukhalladin? Ana, je dirais Mukhalladin. نعم هنا قال لك شيخ احترقوا وصاروا فحما يبون ستخصفورمي من شربون دبوا ثم يوضع تزادة فيخرج من النار ويوضع في نهر يقال له نهر الحياة c'est quoi qu'on va faire sortir du feu بل يبقى في عذاب أما من دخلها من عصاة الموحدين فإنه يحترق ويصير فحما il va se transformer en charbon de bois فيخرج من النار on va le faire sortir de l'enfer ويوضع في نهر يقال له نهر الحياة on va mettre يعني le restant هذاك في نهر الحياة et leur corps ils vont se reconstituer جزاك الله خير C'est un sujet. Donc concernant les gens qui vont être mouhidin, qui vont être fahm, ça ne veut pas dire qu'ils vont être. C'est pas une mort. Le fait qu'ils sont en état de fahm, ça ne veut pas dire que c'est une mort. Qu'ils sont morts. Mais je l'ai appelé. الشيخ فوزان حفظه الله إلا في أهل الإيمان من أصحاب الكبائر ما عليش تسجي صح طبعا طبعا كما قال شيخ الإسلام في الوسطية قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هذه عقدة أهل السنة ceux qui lui enlèvent اسم الإيمان مطلقا ils sont pas أهل السنة والجماعة لأن أهل السنة lui attribue l'Iman il dit c'est revenu deux caractéristiques en lui le fisq la débauche et l'Iman c'est un مؤمن et c'est un débauché فهمت À propos de ceux qui vont se faire sortir de l'enfer, il y a un hadith bizarre avant, j'écoutais un hadith bizarre, je m'en. Il est pas bizarre. Allez, hadith mordant, là. Il paraît bizarre le hadith au fait parce qu'il disait comme quoi c'est Jibril qui va sortir les gens de l'enfer. Mais Jibril il sera encore au service d'Allah plus tard ou est-ce qu'il y aura plus d'âme dans les anges, ils vont se faire enlever leur propre âme, non? Ça c'est quand ça? Je m'en rappelle. Là, c'est quand Yannick. Il y aura des gens à l'enfer et tout, et en fait, Allah il va demander à Jibril de les sortir. Et Jibril va leur dire pourquoi tu me dis de les sortir. Après, il va lui répondre encore une fois comme quoi il disait Ya Hanan, Ya Mannan. Et là, il va les sortir, Jibril, il va les faire entrer au paradis. Allahu alim. Mais Jibril, il sera encore au service d'Allah à ce voisin. Allahu alim. Ce qu'on sait, ce que moi je sais, c'est que Yishfa' l'Anbiya, ou Yishfa' l'Malaika, ou Yishfa' l'Shuhada, ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين. Après, là, si on peut dire le bienfait, la grâce qu'Allah il accorde à certaines de ses créatures. Mais il y a le kayfiya de comment le malaïka ils font le shafa'a et tout. Allah ne sait pas. Je vois, il y a un de ceux qui ont dit le kalima. D'où c'est qu'il a pris ça, on vérifie, inshallah. C'est bon ? والإيمان بالسرعة على جهنم سراطي أو السراط على جهنم يأخذ السراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنواع على قدر إيمانهم il faut avoir foi au sirat de l'enfer jahannam et l'enfer prendra sur le pont quiconque Allah veut, et le passage sera permis à quiconque Allah veut, et tombera en enfer quiconque Allah veut. Et les gens seront devancés par la lumière d'après leur niveau de foi. Amen. قال مما يجري في يوم القيامة المرور على الصراط كما مر ذكره كم ce qu'on a cité auparavant. Jour de la résurrection, le passage sur le pont Sirat. والصراط في اللغة كما مر ذكره comme nous l'avons cité précédemment. والصراط في اللغة الصراط وش معناه في اللغة هو الطريق le chemin. والمراد به هنا الجسر المضروب على متن جهنم. C'est le pont qui sera apposé. مضروب منصوب apposé mis hein, établi. تقريبا c'est le même sens. Sur l'enfer. وهو دقيق جدا qui est très d'une précision extrême. Adaqqu min ash-sha'r, plus précis qu'un plus fin, voilà, qu'un cheveu, wa haddu min as-sayf, et plus plus aiguisé qu'une épée, ou à harru min al-jamr, plus chaud que les braises. Yamurru al-khala'iq 'alayhi 'ala qadri a'malihim. Les gens vont passer selon leurs actes dessus. Tajri bihim a'maluhum. Tajri bihim a'maluhum. Et ils vont passer selon leurs actes. Hein? فمن نجا فقد أفلح ومن لم ينجي ومن لم ينجو هلك ومن لم ينجو هلك. Ils vont passer selon leurs actes. Celui qui passe, il a réussi, hein? Et celui qui ne passe pas, qui n'a pas réussi, هلك, il est voué à l'enfer, à la perdition. ومرور الناس عليه على قدر أعمالهم. Le fait que les gens vont passer selon leurs actes. فمنهم من يمر كلمح البصر. Certains vont passer, on a dit, comme clin d'œil. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ. Certains ont passé comme l'éclair. Khatif, ça veut dire que l'éclair... très rapide. Hein? Très rapide, voilà. Il apparaît à quel, il disparaît. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْرِحِ. Comme le vent. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَأَجَوِيدِ الْخَيْلِ. Comme les chevaux de course. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرُكَّابِ الْإِبِلِ. Comme des gens qui sont sur des chameaux. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا عَلَى قَدَمَيْهِ. ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا. Il y en a qui vont courir sur leurs deux pieds, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont ramper. ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. Certains vont être saisis et jetés en enfer. وهذا مذكور في القرآن الكريم. Tout ça c'est cité dans le Coran et dans la Sunna Nabawiyya, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا إلى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. سورة مريم سورة 19 verset 67 jusqu'à 71. L'homme ne se rappelle-t-il pas avant cela? C'est nous qui l'avons. 68 à 71. Par ton Seigneur assurément nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux, puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. يمر عليه المؤمنون والكفار والمنافقون وكل الخلق يمرون على هذا الصراط. On passe tout le monde. Les croyants, les mu'minin, les kuffar, les mécréants, les hypocrites. On a fait compte, c'est-à-dire les hypocrites là, la grande hypocrisie, et toutes les créatures vont passer sur le sirat. فَمَنْ نَجَى مِنْهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَقَطَ هَلَكَ. Celui qui est sauvé, il rentre au paradis, et celui qui passe le sirat, il est assuré de rentrer au paradis. Celui qui tombe, هَلَكَ, il est voué à la perdition. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوُ. Verset donc 72. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Hein? Voilà yunadji illa al-taqwa. La yunadji quwwatul badan wala kathratul mal wala al-jah ma yunadji illa taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, il n'y a que la piété qui va pouvoir agir ce jour-là. La piété, le tawhid, l'iman, etc. Parce que ne sauvera pas. لا ينجي إلى التقوى. Ça veut dire les paramètres qui vont être pris en compte pour le sauvetage de la personne, ce sera la piété qu'il avait ici-bas. Il dit la corpulence d'une personne, quwwatul badan, la force qu'il avait de son corps, le fait que la personne elle était forte ou bien qu'elle était riche. Le jah, c'est quoi le jah? Le rang, l'honneur. Ah, ouais. Il y a des liens. Le rang, là, la place, l'honneur. Donc ne sauvera que la taqwa Allah. Hada nassu al-Qur'an al-Karim. Voilà la conformité, ce qui est venu dans le texte yani du Qur'an. وجاءت في السنة أحاديث في أهوال القيامة ومنها. Il y a des hadiths qui sont venus dans la sunna à propos de les affres. Ahwal, c'est le pluriel de Hawl. Hawl al-Qiyam, Ahwal al-Qiyam, les affres de la résurrection. Ou Minha, parmi ces hadiths là al mururu ala sirat, le passage sur le sirat, fa la budda min al iman bis sirat wal mururu alayh, il faut impérativement passer sur le il faut impérativement croire à l'existence du sirat et du passage dessus. Wa la yakfi al iman bidhalik bal la budda min al amal, ça suffit pas, quelqu'un il reconnaît, il dit c'est véridique, il faut impérativement œuvrer. Fa yasta'id al insanu lil murur alayhi bit taqwa, la personne doit se préparer. Isti'id, c'est l'isti'idad, hein, et l'udda, préparer pour le passage dessus. Wa hiya al-amal as-salih, les bons actes. Qawluhu wa ya'khudhu as-sirat man sha'a Allah wa yajuzu man sha'a Allah. Et il l'enfer prendra sur le pont quiconque Allah veut. Kama qala ta'ala thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiyya. Allah dit dans le Coran le sens, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. C'est quoi Yajuz? Yajuz, c'est le murur. Non. Il a dit, et le passage sera permis à quiconque Allah veut. Le passage sera permis à quiconque Allah veut. Lien al-sirat alayhi kalalib. Tukhtifu man umirat bi khatfi. Donc le sirat. Yani sur le pont, sur le sarat, il y a Kalalib. Qui fait Goultou? Crochet. Hein? Tenaille. Il y a un autre mot, khir men. Tenaille ou khir men crochet, mais je me suis tout. Hein? Mais j'ai comme. Il y a le hajoukhra. Allez, maïs. Tartifou, yani ils vont prendre, qui vont saisir. Le Kalalib, hadihi. Tartif, qui va saisir. Ce qu'Allah il leur a ordonné yani de saisir. Non, non, chose autre encore. Non ça. Non. Yajuzu, vont passer, c'est-à-dire, il dit Shir, Yamurru alayh. Yamurru alayh, c'est comme. Yajuzu salat, ça veut dire qu'ils vont le franchir. Comme tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit A'mar ummati. La durée de vie de ma communauté, ma bayna sittina wa sab'ina. Entre 60 et 70 ans. Wa qalilun man yajuzu dhalika. Ils sont peu les gens qui vont franchir ça. C'est peu les gens qui vont dépasser 60-70 ans. Et la durée moyenne, c'est 60-70 ans. Il y a Yajuzu, ils vont le franchir. D'accord? Ceux qui vont franchir le sirat. Qawluhu wa awwaluhum wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Et les gens seront devancés par la lumière d'après leur niveau de foi. Iman. Fi yawm al-qiyama, ahlul iman yakunu lahum nurun yamshuna bihi. Dans la résurrection, les gens, ahl iman, les gens de l'iman, ils auront une lumière. Il marche à travers cette lumière. Il se dirige à travers cette lumière. Comme a dit Ta'ala, Nourhum yis'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna Rabbana. Quel numéro? Tahrim. Yaquluna Rabbana atmim lana nourana waghfir lana. Waghfir lana innaka ala kulli shayin qadir. Surat Tahrim, surat 66. Verset 8. Le sens, c'est au milieu du verset. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous car tu es omnipotent. Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi'aymanihim. Bushrakum al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Sourate Al-Hadid, sourate 57, verset 12. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pourraient demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Al-Munafiqun yu'tawna nouran fil awwal liannahum dakhalu fil islam wa adharu l'islam fa yu'amaluna bimitli ma adharu. Il dit les hypocrites, c'est le verset qui suit, les hypocrites, on va leur donner une lumière au début. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans l'islam. ils ont fait apparaître l'islam. Et on va se comporter avec eux comme ils ont fait eux. يُعْطَوْنَ نُورًا مِنْ بَابِ الْخِدَاعِ. On va les trahir, on va leur donner une lumière au début. مُجَازَات, c'est جَزَاء ومِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. La récompense est en conformité avec ce qu'eux ils ont fait. كَمَا أَنَّهُمْ خَادَعُوا بِإِسْلَامِهِمْ فَيُعْطَوْنَ نُورًا خِدَاعًا لَهُمْ. Comme eux ils ont trahi les musulmans, ils ont fait apparaître l'islam alors qu'ils n'avaient pas un gramme de cela. Pareil, on va leur donner une lumière pour les trahir eux. ثُمَّ يَنْطَفِئُوا نُورُهُمْ وَيَبْقَوْنَ فِي ظُلْمَةٍ. Leur lumière va s'éteindre et ils vont rester dans l'obscurité. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا يعني انتظرونَا يَنَّهُمْ يَمْشُونَ خَلْفَ الْمُؤْمِنِينَ انظُرُونَا يعني انتظرونَا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم والتمسوا فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم يعني في الدنيا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Donc c'est les versets qui suivent, toujours sourate 57, le hadith, verset 53, verset 13, 14, 15. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière, cherchez de la lumière. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille, ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment. N'étions-nous pas avec vous, leur crieront-ils. Oui, répondront les autres, mais vous vous êtes laissez tenter, vous avez comploté contre les croyants, et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah, et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc, on acceptera de rançon, ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu, c'est lui qui est votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. L'artabis, l'artibas, c'est prendre quelque chose. Mathalan, tu dis... هذا الكلام مقتبس من سورة الحديد هذه الآية مقتبسة من سورة الحديد تيري دو مقتطف مقتبس ça veut dire la même chose واضح c'est clair قال فالإيمان يكون نورا يوم القيامة يسير به صاحبه donc l'Iman il se transforme en lumière le jour de la résurrection l'auteur de l'Iman المؤمن il va marcher selon la lumière qu'il a. بينما الكفار والمنافقون في ظلمة والعياذ بالله لا يدرون أين يذهبون. كفار, les mécréants et les hypocrites seront dans l'obscurité, ils ne savent pas où, comment se diriger ou bien où c'est qu'ils vont. Je vais donner à la dernière fois. Ah, la tombe, man. La tombe, c'est sûr et certain. Ah, il y a un autre chose, c'est ce qu'on a dit. C'est ça, c'est ce qu'on a dit. L'haoud. Hims. On a dit, tu retiens avec Hims. Hims, c'est l'haoud, ha. L'haoud, bassin. Mim, mizan, sad, serat. D'abord le haoud, après le mizan, après le serat. C'est pas unanimité, mais le cheikh cite ça. Beaucoup de ulama ils ont cité ça et tu retiens avec ce mot-là. L'intercession, elle est fait le mawqif. L'intercession, l'udma. La première intercession, elle est le mawqif. Ça veut dire pendant l'attente. Au tout début, quand les gens ils attendent 50 000 années, c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder. Après Al-Bassa. Ça c'est après par la suite. Ça c'est après par la suite. Ça veut dire pendant la 50 000 ans hindouk, c'est que de l'attente. Les gens ils attendent. Ils attendent. Shams. Le soleil s'est rapproché à la qadri 1000. Il y en a qui disent 1000 al-Makhala. Il y en a qui disent 1000 al-Masafa. Et les gens ils attendent. Ils attendent le hisab. Ils attendent qu'est-ce qui se passe. Là, les gens ils vont aller voir les prophètes. Yabda al-Hisab. هل نعرف هذا نعرف هنا خلينا كلام الشيخ عبد العثيمين في رياض الصالحين يقول ça c'est pendant la pendant l'attente هذيك pendant l'attente اللي شاقة على الناس il y a des gens ils seront تحت ظل العرش او تحت ظل اخر ils seront يعني bien l'attente où les gens ils seront dans une difficulté etc ces gens là ils seront تحت ils seront bien يعني en état de sérénité الله اعلم بقرة هل ينظرون نعم سكينة يعني ما همش تحت كلام الشيخ بقرة والله ما نعرف هيا الشيخ نجمي لا يبوكي بلجور عن الشفاعات تقريبا سي كلام الشيخ صالح الفوزان كم شيخ 7 و 8 انترسيسيون لكن موضع تخوفي يعني الباساج افون وسيت que les membres de sujoud ils vont pas être تاخذ النار كل جسم الانسان المصلي ما عدا مواضع السجود l'enfer va saisir tout le corps de la personne hein il parle des gens qui étaient des musulmans mouahidin sauf مواضع السجود sauf les endroits où ils faisaient la prosternation les membres فيأتي الشافعون فيعرفونهم بمواضع السجود منهم ceux qui veulent intercéder ils vont le reconnaître à cause des traces qu'ils ont sur les endroits où ils faisaient la prosternation وحرام على النار أن تأكل مواضع السجود من المسلمين أصحاب الكبائر l'enfer ne saisira pas les endroits يعني les membres ou sur lesquels la personne faisait la prosternation parmi les musulmans auteurs de grands péchés وحرام على النار أن تأكل مواضع السجود من المسلمين أصحاب الكبائر فإذا طرحوا على ذلك النهر نبت فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية ورواه البخاري وفي رواية المسلم ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلا إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى البادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله جنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يدخلون الجنة ويتبوؤون منازلهم منها بعد أن طهروا ونقوا من دنس الذنوب ويكون لهم علامة تبقى عليهم زمنا طويلا فيعرفهم أهل الجنة ويقولون هؤلاء الجهنميون وقد ورد أنهم فيما بعد يسألون الله أن يزيل عنهم تلك العلامة فتزول عنهم وقبل أن يصلوا إلى الصراط يقتسمون النور فمنهم من يكون له نور يسعى بين يديه كالجبل ومنهم من يكون نوره كالنخلة بين يديه ومنهم من يكون نوره مثل الرجل القائم وأدناهم من يكون نوره شمعة على ظفر إبهام رجله اليمنى تشيع له مرة فيتقدم وتنطفئ عليه مرة فيقف أما المنافقون النفاق الاعتقادي فهؤلاء يعطون نورا من المسلمين ثم ينطفئ نورهم يعني تقريبا ميم باغول كو الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان دون سون اكسبليكاسيون نعم واش رايك؟ اشاك فوا دي سي كي ارشاد الساري سي شرح الشيخ احمد النجمي سيغ شرح السنه البربهاري نوقف هنا إن شاء الله ونصغط لا نوصل للبروشين فوس والإيمان بالأنبياء والملائكة هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.